بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication du livre الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة avec les explications du Cheikh Ahmed al-Najmi رحمه الله تعالى. Et on est toujours dans l'explication du chapitre au sujet des trois catégories de tawhid. At-tawhid thalathatu anwa'. Et au dernier cours, on avait lu le texte à la base, c'est-à-dire les explications du Cheikh Ibrahim, Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi. Et on a commencé à expliquer avec les explications de Cheikh Ahmed al-Najmi. Et on avait terminé d'expliquer tawhid al-Rububiyyah. Maintenant, on arrive dans la deuxième catégorie de tawhid, tawhid al-uluhiyya. Et on a expliqué que c'est la base du tawhid et que c'est l'explication du témoignage de la ilaha illallah. Al-uluhiyya, c'est l'explication de la ilaha illallah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est-à-dire, comme on l'avait expliqué au dernier cours, d'unifier les actions du serviteur. D'unifier les actions des serviteurs et des créatures, dans le sens que toutes les adorations qu'on fasse soient uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et le Cheikh, il l'explique, il dit Tawhid al-Uluhiyya huwa alladhi waqa'a fihi an-niza'u min qadim ad-dahri wa hadithihi bayn al-umam wa rusulihim alayhim as-salatu was-salam wa bayn al-umam wa atba'i ar-rusul wa huwa tawhid Allah bi af'al al-ibad كالدعاء والنذر والذبح والرجاء والخوف والخشية والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وكل نوع من أنواع العبادة أو كل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. إذن ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ الفرق بينهما كالتالي، ويتضح من تعريف كل منهما: توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، فأنت تصرف له دعاءك ورجاءك وخوفك وخشيتك وذبحك ونحرك وتوكلك ورغبتك ورهبتك وإنابتك. إن دعوت تدعو الله وحده دون سواه، وإن نذرت تنظر لله وحده دون سواه، وإذا ذبحت ونحرت تذبح وتنحر لله وحده دون سواه، وإن رجوت فترجوه وحده، والخوف الذي هو خوف العبادة تفرد الله به دون سواه، وهكذا. Donc on va traduire ce passage. Donc le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il explique que l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est la catégorie de tawhid au sujet duquel il y a eu le plus de disputes et de conflits depuis le début des temps, jusqu'à notre époque, entre les nations et les messagers qui leur avaient été envoyés, alayhim salatu wassalam, et entre les nations et les peuples, ainsi que ceux qui ont suivi les messagers et qui ont cru en ces messagers. Et c'est le tawhid d'Allah dans les actions des serviteurs, c'est-à-dire d'unifier Allah Azza wa Jal dans nos adorations, comme le dua, le fait d'invoquer Allah et de supplier Allah Azza wa Jal, les supplications, les invocations. Al-Nadhru, c'est le fait de faire un vœu, de faire un vœu pour Allah Azza wa Jal. Al-Dhabh, c'est le fait de faire un sacrifice, d'égorger un animal ou de sacrifier un animal pour Allah. Al-Raja, c'est l'espoir, c'est-à-dire de mettre son espoir en Allah Azza wa Jal. Et Al-Khawf, Al-Khawf, c'est la crainte. Al-Khashya, c'est la peur et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Al-Tawakkul, c'est le fait de mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal. Al-Raghba, hein, le fait d'aspirer à Allah Azza wa Jal et d'aimer Allah, hein, Azza wa Jal. Al-Rahba, yani c'est l'effroi et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Al-Inaba, c'est le fait de se repentir et de revenir à Allah Azza wa Jal en repentance. Et chacune de ces différentes catégories d'adoration, il y a une preuve qui la supporte dans le Coran et dans la Sunna. Et il est important aussi de clarifier que les exemples d'adoration que le Cheikh a mentionnés, c'est seulement quelques exemples, parce qu'il y en a beaucoup plus dans le Coran et la Sunna. Il y a beaucoup plus de formes d'adoration que ça. Hein, comme as-salat, wa-zakat, wa-hajj, wa-sawm, hein, le jeûne et le sujoud, la prosternation, wa-rukur, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres formes d'adoration qui existent, à part celles qui sont mentionnées ici, mais celles-là, c'est parmi les plus importantes qu'on retrouve. Donc, le Cheikh, il explique, il dit, dans ce cas-là, quelle est la différence entre le tawhid d'Allah dans l'adoration et le tawhid d'Allah dans la seigneurie? Hein, et dans la souveraineté. Eh bien, la différence entre les deux, elle se clarifie dans la définition de chacune des deux catégories. Premièrement, le tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, eh bien, c'est d'unifier Allah Azza wa Jal par ses actions, c'est-à-dire par les actions d'Allah, et de comprendre que Allah Azza wa Jal est le seul, hein, qui crée. C'est le seul qui a le pouvoir de créer, qui a le pouvoir de donner la subsistance. C'est le seul qui fait vivre et qui fait mourir. C'est le seul qui a le contrôle de tout dans l'univers. Et c'est le seul maître absolu de toutes choses. Hein? Et il a les plus belles, hein, les plus belles qualités et les plus beaux noms. Donc la Rububiyya, ça fait partie de ses attributs et de ses noms aussi. Hein? Et parce que c'est lui Ar-Rab, c'est lui le Seigneur. Donc tout ce qui se passe dans l'univers et tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah qui l'a créé et c'est lui qui le contrôle et c'est lui qui le gère et c'est lui qui donne la subsistance et ainsi de suite. Ça, c'est les actions d'Allah Azza wa Jal. Et il faut l'unifier dans ces actions-là. Et de croire qu'il n'y a qu'un seul créateur, un seul maître, un seul qui contrôle tout ce qui arrive dans la création. Tandis que le tawhid dans l'adoration, c'est d'unifier Allah par les actions des serviteurs. Et c'est-à-dire que les serviteurs ne doivent offrir leur adoration que à Allah seul. Donc tu vas vouer ton adoration pour Allah uniquement. Ton dua, ton espoir, hein, ton invocation, ton espoir, ta crainte, ton sacrifice. Le sacrifice que tu fais pour Allah Azza wa Jal et le fait d'égorger un animal pour Allah Azza wa Jal, une offrande ou un sacrifice ou autre, le fait de mettre ta confiance en Allah Azza wa Jal, ton aspiration et ton amour, hein, et ta repentance et ainsi de suite, tout ça c'est pour Allah seulement. Et lorsque tu vas invoquer, hein, ou que tu vas supplier Allah Azza wa Jal seulement. Et tu vas invoquer Allah Azza wa Jal seulement. Personne d'autre que lui. Et quand tu vas faire un vœu, tu vas faire uniquement un vœu pour Allah et personne d'autre que lui. Et quand tu vas égorger ou sacrifier un animal, tu vas le faire uniquement pour Allah seul et pour personne d'autre que lui. Et lorsque tu vas mettre ton espoir en quelqu'un, tu vas mettre ton espoir uniquement en Allah et en personne d'autre que lui. Et lorsque tu vas avoir peur, une peur d'adoration, c'est uniquement pour Allah seul et personne d'autre en dehors de lui. Et ainsi de suite pour toutes les différentes formes d'adoration. Et le Cheikh maintenant, il va citer les différentes formes d'adoration avec les preuves qui sont rapportées. Parce que la définition des adorations, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il l'explique dans Al-Ubudiyya, dit que c'est toute parole ou action intérieure ou extérieure que Allah aime et qu'il a agréé. Et donc ça veut dire que tout ce que Allah aime comme action, tout ce qu'il a ordonné ou recommandé de faire parmi les actions, parmi les paroles, que ce soit intérieur ou extérieur, alors ça rentre dans les adorations d'Allah. Et comment on fait pour savoir que Allah Azza wa Jalla est satisfait et qu'il aime cette parole ou cette action? Eh bien, c'est par la révélation, lorsque Allah Azza wa Jalla a ordonné quelque chose dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, ou qu'il l'a recommandé, alors à ce moment-là, ça veut dire que cette chose, Allah l'a aimée et il l'a agréée, et qu'il il nous ordonne de faire cette action-là, ou de dire cette parole, et par conséquent, ça veut dire que c'est une adoration. Et de l'offrir à autre que Allah, c'est du shirk. Donc, toute adoration que tu offres à autre que Allah, Azza wa Jal, c'est du shirk. Hein? Puisque l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah seul. Et le cheikh, il donne des exemples ici d'adoration. Par exemple, ad-du'a. Allah Azza wa Jal, il ordonne qu'on l'adore lui seul et qu'on n'adore rien d'autre en dehors de lui. Et il dit, par l'exemple du du'a, le verset 60 dans Surat Ghafir. Donc on va lire le texte, après on va traduire. Le cheikh, il dit, « هذه بعض الأدلة من القرآن على هذه الأنواع من العبادات. ما دليل الدعاء؟ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc le cheikh il explique que il y a des preuves dans le Coran pour chacune des formes d'adoration mentionnées. La première qu'on a mentionnée, c'était l'invocation, ad-du'a, et le verset que le cheikh a cité comme preuve à ce sujet-là, c'est le verset 60 dans Sourate Ghafir, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration entreront en enfer humiliés. » Donc ça, c'est la preuve que le dua, c'est une adoration. Hein? Et le dua, c'est le fait d'appeler et d'implorer Allah et de demander à Allah Azza wa Jal. Et juste pour clarifier ici un point important, parce que souvent les gens de bid'a, ils invoquent d'autres que Allah parmi les saints, parmi les morts, parmi les tombes, parmi les hommes pieux, parmi les prophètes, parmi les anges. Et ils prétendent par la suite que ça, c'est pas du shirk. Hein? Et par exemple, parmi les shubuhat qu'ils font, c'est ils disent non, parce que le fait d'appeler ou de demander ou d'implorer, c'est pas une adoration. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le du'a, dans le hadith authentique, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Hein? Donc ça, c'est une preuve claire. Et en même temps aussi, ils ne font pas de distinction entre le fait de demander à quelqu'un qui est vivant et le fait de demander à quelqu'un qui est mort. Or, quand on demande à un individu quelque chose, s'il est vivant et qu'on l'appelle pour nous aider ou pour nous sauver, si on est dans un moment de difficulté ou un problème, ou un moment de danger ou de détresse, et qu'on voit quelqu'un qui est à proximité, qui est capable de nous venir en aide, et qu'on lui demande de venir pour nous sauver ou pour nous aider, eh bien, à ce moment-là, c'est clair que on demande à quelqu'un qui est présent et qui est capable de nous venir en aide. À ce moment-là, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas considéré comme étant du shirk, puisque c'est quelque chose qui est yani, possible pour la personne puisqu'elle est présente et qu'elle est vivante. Tandis que si on demande à quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est absent, de venir à notre secours dans un moment pareil, alors c'est clair que à ce moment-là, ce sera yani, du shirk. Hein? Et les gens de bid'a et les kuburiyin, les adorateurs des tombes, ils ne font pas la distinction entre ces deux situations-là. Et ils essaient de prétendre que si yani, c'est permis de demander à quelqu'un qui est présent et vivant, alors c'est la même chose pour une personne qui est absente ou une personne qui est morte. Et ça prouve que ces personnes-là sont complètement ignorantes et en même temps, c'est des gens qui disent des choses insensées et absurdes, hein, qui sont contraires à la raison et contraires à la révélation. En même temps aussi, yani, il est important de comprendre donc que même Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a mentionné l'exemple de Moussa alayhi salam, lorsque il est venu en aide à un de ses compagnons qui avait un problème avec un des gens du peuple de Pharaon. Et lorsque cet homme-là l'a appelé au secours, il est venu à son aide. Il était présent, hein, et il l'a vu et il l'a frappé. Moussa alayhi salam l'a frappé, hein, et il est mort. Et c'est pour ça par la suite qu'il s'est enfui. Donc, le terme qui est employé dans le verset en question, c'est que fastarathahu, istarathahu, c'est-à-dire il l'a appelé au secours. Et il était présent et il était vivant, donc c'est permis. Mais bien entendu, aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un voulait appeler Moussa alayhi salam au secours lorsqu'il est dans un problème ou dans une situation de détresse, hein, et qu'il dit oh Moussa, viens à mon secours, eh bien ça, il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui ce serait du shirk, puisque Moussa alayhi salam, il est mort. Et par conséquent, il ne peut pas nous venir en aide, tandis que Allah Azza wa Jal, c'est Al-Hayy, hein, Alladhi la yamut. Allah, c'est le vivant, celui qui ne meurt pas, et celui qui exauce les invocations. Donc c'est à lui seul qu'on doit faire des doigts et des invocations, et que celui qui invoque en dehors d'Allah quiconque ou quoi que ce soit parmi les créatures, eh bien ça rentre dans le shirk, et ça fait partie du shirk, et c'est le plus grand péché. Et celui qui fait ça, bien entendu, il a quitté l'islam et il est sous la menace de l'enfer éternel s'il meurt dans cet état-là. Ensuite, le verset que le cheikh a mentionné comme preuve au sujet de an-nadr, le vœu, les vœux pieux. Le cheikh dit: wa mad dalil ala an-nadr qawluhu ta'ala yufuna bin-nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa وما الدليل على الذبح والنحر قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم ما الدليل على الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وما دليل الرجاء قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وما الدليل على التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Donc on va commencer par l'explication de ces exemples d'adoration que le cheikh a cité ici, et ensuite on continuera avec les autres exemples qu'il a cités. Donc, le cheikh, il a dit, premièrement, pour ce qui est des vœux, Allah Azza wa Jal, il a fait l'éloge de ceux qui font, qui respectent l'engagement de leurs vœux, dans le verset 7 dans Surat Al-Insan. Donc, ce qu'on appelle en arabe « an-nadr ». Et il dit à ce sujet ce qui signifie: ils accomplissent leurs vœux et redoutent le jour dont le mal s'étendra partout. Et en ce qui concerne le sacrifice et l'égorgement d'un animal qu'on fait pour Allah Azza wa Jal, c'est dans les versets 162 et 163 dans Surat Al-An'am. Dans les versets, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: dis au Muhammad, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, et il n'a pas de partenaire. Et le hadith également dans la Sunna, qui est rapporté par Muslim selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que Allah a maudit celui qui égorge un animal pour autre que Allah. En ce qui concerne la crainte et la peur d'Allah Azza wa Jal, donc c'est une adoration. Et d'avoir peur d'autre que Allah, d'une peur d'adoration, d'une peur révérentielle, hein, une crainte révérentielle, ça c'est une forme d'adoration. Et si on a cette crainte envers une créature, ça devient du shirk. Et la preuve, c'est le verset, dans le verset 175 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Comme les gens qui ont peur des idoles, hein, qui ont peur des idoles des mushrikines, hein, et qui ont peur des sorciers ou des voyants, ou des diseurs de bonne aventure, des gens comme ça. Il a peur de leur qu'il leur lance un mauvais sort, ou bien qu'il leur fasse un mal quelconque, un mal occulte, ou des choses comme ça. Il faut mettre la confiance en Allah, il ne faut pas avoir peur d'autre que Allah. Hein? Il faut avoir confiance en Allah et en la protection d'Allah. La preuve de l'espoir, et qu'on doit uniquement mettre notre espoir en Allah Azza wa Jal, c'est un exemple que le Cheikh a cité à ce sujet-là. C'est le verset 110 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit: alors quiconque espère en la rencontre d'Allah, alors qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur. Le verset ensuite que le Cheikh a cité pour At-Tawakkul, je pense que c'est là qu'on était rendu. Oui, At-Tawakkul. Wa mad dalil ala At-Tawakkul? Qawluhu ta'ala: wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Le verset 23 dans Sourate Al-Ma'idah, c'est une preuve pour le fait de l'obligation de mettre notre confiance en Allah seul et de ne mettre notre confiance en personne d'autre que Allah. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Donc c'est la preuve qu'on doit uniquement mettre notre confiance en Allah seul et en personne d'autre que lui. Wa mad dalil ala ar-rahba? Qawluhu ta'ala: وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى الْإِنَابَةِ؟ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ؟ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Donc ici le cheikh il explique, il dit: la preuve pour la repentance, ou bien plutôt la preuve pour ar-rahba, la crainte ou la peur, c'est dans le verset wa iyaya farhabun, verset 40 dans sourate al-Baqara, ce qui signifie yani c'est moi seul que vous devez craindre. Et le verset, la preuve au sujet de l'adoration de al-inaba, le fait de revenir à Allah en repentance, c'est le verset 54 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie: et revenez vers votre Seigneur en repentance et soumettez-vous à lui. Ensuite, la preuve au sujet de ar-rahba wal-rahba wal-khushu', ar-rahba c'est l'aspiration et l'amour. Wal-rahba, c'est la peur et la crainte. Et al-khushu', c'est l'humilité. Hein? Donc, la preuve de ces trois adorations-là, c'est dans le verset 90, dans Surat Al-Anbiya, où Allah Azza wa Jal décrit les prophètes en disant qu'ils se précipitaient vers les bonnes œuvres et ils nous invoquaient avec aspiration, hein, avec amour, avec crainte. Et ils étaient humbles envers nous. Donc, ça c'est une explication à ce sujet-là. Et en note de bas de page ici, il y a une note qui est mentionnée, qui dit: pour les détails au sujet de ces formes d'adoration-là, vous pouvez retourner au charh de Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Ahmed al-Najmi pour avoir plus de détails. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, hein, au sujet de la troisième catégorie de tawhid, et la troisième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-asma wa-sifat. Tawhid al-asma wa-sifat. Et le cheikh, il explique, il dit: tawhid al-asma wa-sifat, قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم أقول يجب على المكلفين إثبات أسماء الله وصفاته التي وردت في القرآن على الوجه اللائق بجلال الله جل وعلا. وهذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية بحتة، وصفات فعلية، وصفات ذاتية فعلية. فالصفات الذاتية البحتة كالسمع والبصر والعينين واليدين والكفين والأصابع والوجه والرجل والقدم والساق، وهذه صفات ذاتية. والصفات الفعلية كالخلق، صفة للخالق، وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكصفة المجيء يوم القيامة، قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وصفة الإتيان، قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وصفة الرزق، قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل الله. صفة النزول في قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا كل ليلة عند الثلث الأخير أو الأوسط إلى السماء الدنيا. وصفة الاستواء في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وهناك صفات فعلية ذاتية كصفة الكلام، وهي ذاتية باعتبار أنها من صفات الذات، وهي فعلية باعتبار أنه يفعلها متى شاء. ولهذا يقول أهل العلم: إن الكلام قديم النوع وحادث الآحاد. وقولهم: إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن الله موصوف بأنه متكلم، وذلك بأنه يتكلم متى شاء بما شاء. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Donc on va expliquer maintenant ces différentes explications au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et donc le cheikh, il explique premièrement Tawhid al-Asma wa Sifat en citant les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal s'est décrit lui-même. Et il a commencé par Suratul Ikhlas, la sourate de la pureté, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: dis au Muhammad, c'est lui Allah l'unique, Allah, celui vers qui toutes les créatures se tournent vers lui pour demander ce dont ils ont besoin. Lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire il n'a pas été engendré. Il n'est pas l'enfant de quelqu'un non plus. Il n'a pas été enfanté. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, il n'y a rien qui lui soit comparable. Et ensuite, il a cité le verset 180 dans Surat Al-A'raf. Dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie: c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ceux-ci, et laissez ceux qui dénaturent ou qui déforment ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. Et il cite également comme verset au sujet des noms et des attributs d'Allah, le verset 11 dans Surat Ash-Shura, dans lequel Allah Azza wa Jal mentionne ce qui signifie: il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc ça, c'est des versets dans lesquels on peut comprendre les règles de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des noms et des attributs, du fait qu'il faut croire en tous les noms que Allah s'est attribué à lui-même, et on doit les affirmer. Et tous les attributs qu'il s'est affirmés pour lui-même et les affirmer, et croire en tout ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné comme nom et comme attribut pour Allah Azza wa Jal, et on doit affirmer tout ce qu'il a affirmé. Et ça implique également de nier tout ce que Allah Azza wa Jal a nié comme imperfection dans le Coran et dans la Sunna. Et donc tout ce qui est affirmé par la révélation à propos d'Allah, on l'affirme. Hein? Et tout ce qui est nié comme imperfection dans la révélation à propos d'Allah, on le nie. Et en ce qui concerne les termes ou les expressions qui ont été inventées par des philosophes, c'est souvent ceux-là qui inventent des termes ou des expressions et qui mentionnent ces termes et ces expressions-là à propos d'Allah Azza wa Jal pour philosopher à propos d'Allah, hein, et pour se permettre par la suite d'affirmer ce qu'ils veulent ou de nier ce qu'ils veulent à propos d'Allah. Et les ulama ont dit à propos des expressions qui sont ambiguës ou qui peuvent avoir plusieurs sens, un sens vrai et un sens faux en même temps, eh bien on s'abstient de les affirmer et on s'abstient de les nier. Si ça n'a pas été affirmé ou nié par la révélation, eh bien nous on s'abstient et on s'arrête. On ne les affirme pas et on ne les nie pas. Mais on regarde la signification de ces termes. Et la signification qui est vraie dans ces termes, on l'affirme. C'est-à-dire on affirme la signification qui est vraie. Et on nie la signification qui est fausse tout en s'abstenant d'employer ces termes, d'employer ces expressions. Donc ça c'est... des principes que les ulama ont établis par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, qui sont les principes des ulama des salafs et des ulama d'Ahl Sunna, pour réfuter les gens de bid'a qui ont pataugé dans l'égarement à propos des noms et des attributs d'Allah, dans le but de nier ce que Allah a affirmé ou d'affirmer ce que Allah Azza wa Jal a nié. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, par rapport à ce qu'on vient de mentionner comme verset, le cheikh, il a expliqué que il est obligatoire donc aux serviteurs d'affirmer les noms et les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna de la manière qui convient à la majesté et la perfection d'Allah Azza wa Jal. Et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont divisés en trois catégories. Il y a les attributs qui sont purement des attributs de la personne, hein, d'Allah Azza wa Jal et de son être. Et il y a les attributs qui sont des attributs d'action, donc des actes que Allah Azza wa Jal fait. Et il y a des attributs qui sont, en même temps qu'ils sont des attributs de l'être et de la personne d'Allah Azza wa Jal, ils sont aussi des attributs d'action. Et à ce sujet, le cheikh, il donne des exemples. Donc, il donne les exemples qui sont reliés à l'être d'Allah Azza wa Jal et sa personne. Donc, les attributs qui sont reliés à sa personne, c'est les attributs de l'ouïe, de la vue, des yeux, des mains, hein, les doigts, le visage, les pieds, hein, les jambes. Ça, c'est les attributs qui sont attribués à Allah Azza wa Jal et qui sont affirmés dans le Coran et dans la Sunna. Et la règle de la règle des gens de la Sunna au sujet de ces attributs, c'est de les affirmer tels quels, sans demander le comment et sans essayer de faire une comparaison ou une ressemblance entre ces attributs d'Allah et les attributs des créatures. Donc on les affirme tel que cela convient à la perfection et à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, sans imaginer de comparaison ou de ressemblance dans notre esprit, hein, et sans faire de ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc c'est important de comprendre ça. Ensuite, il y a les attributs d'Allah reliés à ses actions. Et parmi les actions d'Allah Azza wa Jal, il y a la création. Hein? Allah Azza wa Jal, il a l'attribut de créer. C'est lui le créateur. Donc créer, c'est une de ses actions. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 17 dans Sourate An-Nahl, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Est-ce que celui qui crée est comparable à celui qui ne crée pas ? Ne vont-ils pas se rappeler ?» Donc ça, c'est pour réfuter les mushrikines qui adorent des idoles et qui adorent des créatures en dehors d'Allah qui n'ont aucun pouvoir de créer quoi que ce soit. Parce que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui peut créer à partir de rien. Hein? Wa kasifat al-maji, le fait que Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran qu'il va venir au jour de la révélation, au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier. Donc ça c'est affirmé dans le verset 22 dans Surat al-Fajr. Allah Azza wa Jal, il dit wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Donc ton Seigneur viendra, hein, et les anges qui seront en rang. Et donc ça c'est la preuve que Allah Azza wa Jal, au jour de la résurrection, il va venir. Et comment il va venir? C'est Allah seul qui sait. On n'a pas le droit de poser cette question, puisque le comment nous est inconnu. Mais on sait que qu'est-ce que signifie le terme venir en arabe, ja. Hein, c'est un verbe qui est connu dans la langue arabe, et en français, venir, c'est clair aussi. Et c'est cette signification-là qu'on est ordonné d'affirmer. D'accord? Et on ne fait pas de ressemblance entre la venue d'Allah et la venue des créatures, puisque la venue d'Allah, elle est parfaite et elle est majestueuse. Elle correspond à sa majesté et à sa perfection. Elle n'est pas comparable à celle des créatures. Ensuite, un autre exemple, une autre signification qui est semblable à la venue, c'est Al-Etian. Puisque Al-Maji ou Al-Etian, les deux ont une signification qui est rapprochée. Hein? Et la preuve de Al-Etian, c'est dans le verset 210, yani dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, attend-il, yani, c'est ça, le verset 210 dans Surat Al-Baqarah. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il mentionne qu'il vient au jour de la résurrection. Et il dit, qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges. Hein? Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il va venir au jour de la résurrection. Il y a également l'attribut de Ar-Rizq. Parce que Allah Azza wa Jal, un de ses noms, c'est qu'il est Ar-Razzaq. Ar-Razzaq et Ar-Raziq. C'est-à-dire celui qui donne le risque, la subsistance. Et donc ça, ça fait partie de ses attributs. Et Yarzuq, il donne la subsistance à ses créatures. Et c'est ça, c'est affirmé dans le verset 24, dans Surat Saba. Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie, Qul dit, et qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Dit Allah. Dit au Muhammad. C'est Allah. Hein? Allah. Donc ça veut dire que ça fait partie de ses actions aussi. Il donne la subsistance. Et l'attribut de la descente. Hein? Allah Azza wa Jal, comme c'est affirmé dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux, au plus bas des cieux. Donc le ciel de la dunya. Il descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit. Et il demande, qui va m'invoquer pour que je l'exauce? Et qui va me demander pour que je lui donne ce qu'il demande? Donc ça c'est la preuve que Allah Azza wa Jal, il descend au dernier tiers de la nuit. Et yani, ça c'est la preuve qu'il est au-dessus de sa création. Et en même temps aussi, on ne doit pas demander comment il descend, et on ne doit pas faire non plus de comparaison, de ressemblance entre la descente d'Allah et la descente des créatures. Ensuite, il y a également un attribut qu'on appelle al-istiwa. C'est le fait que Allah Azza wa Jal soit est élevé au-dessus de son trône. Et c'est le verset 4 dans Surat al-Hadid. Il y a de nombreux versets aussi. Il y en a 7 versets dans lesquels Allah Azza wa Jal affirme qu'il est sur son trône. Hein, en arabe, al-Arsh. Donc, summa stawa ala al-Arsh. Ensuite, il s'est élevé sur le trône. Donc, ça, c'est des attributs d'action qu'on doit affirmer à Allah Azza wa Jal. Il y a également des attributs d'action et d'être en même temps, comme l'attribut de la parole. Puisque Allah Azza wa Jal, il parle, et l'attribut de la parole, c'est une attribut de l'être et une attribut d'action. Et c'est une attribut de son être du fait que Allah Azza wa Jal a toujours eu la capacité de parler, hein, et ça fait partie de ses attributs, hein, et toutes ses attributs sont éternels comme lui, puisque lui-même, son être est éternel, donc ses attributs sont éternels, et par contre, elles sont reliées à sa volonté, et c'est un attribut relié à sa volonté aussi, dans le sens qu'il parle quand il veut, hein, et par conséquent, les attributs d'action d'Allah Azza wa Jal sont reliés à sa volonté. Hein, et il les fait quand il veut. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les attributs de l'être et les attributs d'action. Puisque les attributs d'action, Allah Azza wa Jal, il les fait quand il veut. Tandis que les attributs de l'être d'Allah, elles sont des attributs qui sont permanentes, hein, et éternelles, comme lui. Tandis que les attributs des actions, Allah Azza wa Jal, il a toujours ces attributs-là, mais il les fait quand il veut. Et c'est pour ça qu'on dit en arabe, comme les ulama ils disent en arabe, qadimun nawr wa hadithul ahad. C'est-à-dire que en soi, l'attribut elle est éternelle, mais il les fait quand il veut. Hein? Donc c'est ça que ça signifie. Et l'exemple de cet attribut par rapport au fait que Allah parle et qu'il a la parole, eh bien, il parle quand il veut et comme il veut. Et il a cité le Cheikh comme exemple, le verset 109 dans Surat al-Kahf à ce sujet-là, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie « Dis, ô Muhammad, si les océans ou si l'océan était de l'encre pour les paroles de mon Seigneur, eh bien, l'océan se serait épuisé avant que ce soit épuisé les paroles de mon Seigneur. Même si on ramenait un océan comme lui en encre. Hein. Donc, ça veut dire que yani, la parole d'Allah Azza wa Jal, yani, on ne peut pas la calculer, on ne peut pas la limiter. Puisque Allah Azza wa Jal, il parle comme il veut et quand il veut. Et au sujet de ce détail-là, il y a un point qui est mentionné ici en note de bas de page. C'est des détails au sujet des règles qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais je pense qu'on les a déjà clarifiés. Donc c'est clair à ce sujet-là. Mais on peut mentionner, parce qu'ici il mentionne des points qui ont été cités par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans son livre Al-Fawa'id. Et il dit « وَجَاءَ فِي كِتَابَ الْفَوَائِدِ فَكَمَا أَنَّ ذَاتُ الْخَالِقِ لَا تُشْبِهُ ذَوَاتَ الْمَخْلُوقِينَ فَكَذَلِكَ صِفَاتُ الرَّبِّ لَيْسَتْ كَصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ فَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السميع البصير وإليك أخي في الله هذه الفائدة جاء في كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله أن العبد إذا شاهد شيئا من جمال أفعال الرب جل وجلالها وكمالها وعظمتها استدل به على جمال الصفات وكمالها وعلوها ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات وعلوها فله سبحانه علو الذات وعلو القاهر وعلو القدر والشأن وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وجمال الرب سبحانه وتعالى على أربع مراتب: جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات فهو وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين عنده إلا تعريفات تعرف بها إليهم فيما أوحاه الله على رسله عليهم الصلاة والسلام أو أنزله في كتبه المطهرة. وسوف يمن الله بإذنه سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والإيمان في الجنة بزيادة اللذة والنعيم فيها بأن يحل عليهم رضوانه ويكرمهم فوق ما هم فيه من الكرامة والرضوان بلذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه والتنعم بذلك بإذن الله في الجنة الحسنى. فينسون معه كل لذة ونعيم رأوه أو سمعوه في الجنة قبل ذلك، ويزدادون حسنا وجمالا، ومع مرور الأزمان في دار الجمال والكرامة والإحسان بجوار الرب المحسن الجميل الرحيم الرحمن. Donc il explique ici le fait que Allah Azza wa Jal, يعني son être est parfait, hein, et ses attributs sont parfaits. Et son être ne ressemble pas aux créatures, et ses attributs ne ressemblent pas non plus à celles des créatures. Et les créatures ne peuvent pas le cerner de leur science, et il n'y a rien qui soit comparable à Allah, ou qui ressemble à Allah Azza wa Jal, et il est l'audient et le voyant. Et il cite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Fawaid, lorsqu'il explique que le serviteur, lorsqu'il est témoin de quelque chose, hein, des belles actions du Seigneur et de leur majesté, de leur perfection et de leur grandeur, il utilise cet exemple de beauté pour yani montrer la beauté de ses attributs et la perfection de ses attributs et l'élévation de ses attributs. Et ça, c'est une preuve, hein, la preuve de, on utilise la preuve de la beauté des attributs pour établir la beauté de l'être d'Allah Azza wa Jal et du fait qu'il est élevé. Et il explique que l'élévation de l'être d'Allah Azza wa Jal, du fait que Allah est élevé, hein, dans l'estime des créatures envers lui, et il est élevé dans sa puissance et dans sa force et dans son être, puisqu'il est au-dessus de ses créatures. Il est le très haut, le très grand, et les degrés de sa beauté sont de 4 degrés: la beauté de son être, la beauté de ses attributs, la beauté de ses actions et la beauté de ses noms. Et ses plus beaux noms, ses noms sont les plus beaux, hein, ils sont tous des noms de majesté, de beauté et de perfection. De même que ses attributs sont toutes des attributs de perfection. Et ses actions sont toutes des actes de sagesse, de bien et de justice et de miséricorde. Il dit, tandis que la beauté de l'être, hein, personne ne peut le connaître sa beauté excepté lui-même. Et on ne connaît de la beauté de son être excepté ce que Allah Azza wa Jal nous a permis de connaître parce qu'il a révélé à ses messagers dans ses livres. Et Allah Azza wa Jal va donner, hein, par sa permission, il va donner à certains de ses serviteurs parmi les gens du Tawhid et les gens de la foi dans le paradis un surplus de plaisir et de délices lorsqu'il va, après les avoir fait rentrer dans son agrément, il va augmenter leur honneur et leur agrément en leur permettant de jouir du regard de son visage, de son noble visage, et de pouvoir le rencontrer. Et donc, de pouvoir avoir ce délice dans le paradis. Et lorsqu'ils verront leur Créateur, ils oublieront tous les délices préalables, hein, et tout ce qu'ils ont pu entendre dans le paradis comme délices, eh bien, ça va s'effacer devant la beauté d'Allah Azza wa Jal. Et ils vont augmenter eux-mêmes en beauté après, avec le temps qui augmente, et au fur et à mesure que le temps avance, plus à chaque fois qu'ils vont voir leur Seigneur, ils vont devenir eux-mêmes plus beaux, hein, éternellement plus beaux. Donc ça, c'est ce que le Cheikh a dit à ce sujet-là, et il demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous soyons parmi ceux qui ont la grâce de pouvoir justement voir le visage d'Allah Azza wa Jal dans le paradis. Donc ça, c'est ce qui a été mentionné au sujet des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, et à propos du tawhid et de ces trois catégories. Donc ça vient compléter le cours au sujet des trois catégories du tawhid. Au prochain cours, inshallah, on commencera à expliquer le contraire du tawhid, c'est-à-dire le shirk, et les différentes catégories de shirk. Donc le shirk, il va élaborer là-dessus, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.